1998-2013, c'est la durée de vie du duo français Sporto Cantes qui a marqué la jonction entre le 20e et le 21e siècle. Ils seront surutilisés pour des pubs à la télé comme le shampoing Fructis. Mais en 2012, c'était vraiment leur année avec le très mélancolique et très gorillaz Holiday. La nuit des temps, Radio Duo. Thank you. Vous êtes dans la nuit des temps des années 2012. En 2024, Django Django n'a jamais été autant d'actualité. Voici War. Entendre War. La guerre. Les sirènes. Et les bombes qui continuent de tomber comme la pluie sur le monde. La nuit des temps, l'international de la danse. Oh, C'était l'année de la confirmation. Tame Impala. Pourquoi ils ne veulent pas me parler? Nous sommes toujours en 2012 et nous sommes à Perth, en Australie. Et vous, vous êtes dans la nuit des temps. La nuit des temps, Radio Duo. C'est peut-être le chef-d'œuvre de l'année 2012. On le programme régulièrement dans la nuit des temps. C'est Solange et Devante Hines. Et oui, Solange, pendant que ta frangine Beyoncé remplit les stades, nous, on t'oublie pas. Et cette rythmique, puissante et lente, à faire damner le R&B le plus coriace. Losing You, 2012. C'est beau. Alors on se tait. Mais c'est vraiment trop beau. c'est sublime. Solange. He had seen God. So I stopped channel surfing immediately. He said that he had seen God, and God told him to raise $8 million. God was broke. 2012, le vieux soulman Bobby Womack sort son 27e et dernier album. Il est gravement malade, c'est la fin. Et entre deux hospitalisations, il termine les séances d'enregistrement avec Damon Albarn à la production. Et c'est peut-être lui l'homme le plus courageux du monde. c'est la symphonie numéro 9 de Grimes. Et c'est notre power play de la semaine. On traverse l'année 2012. La nuit des temps, l'international de la danse. You will discover me through my songs, learn my heartbreaks and fears and depression, hear all the cracks and the lack of talent, and I hope that you don't hate me by then. I hope that you don't hate me by then. Waltz to count her steps. 18 she strides and she stops to abide by the law that she herself has set. That 18 steps is one complete set, and before the next 9 right and 9 left. She looks up at the blue and whispers to all of the above, don't let me drown. Don't breathe alone, no kicks, no pangs, no broken bones. Never let me sink, always feel at home. No sticks, no shanks, and no stones. Never leave it too late, always enjoy the taste of the great, great, great, great world of hearts. As all dogs everywhere bark, bark, bark, bark, it's worth knowing. Like all good fruit, the balance of life is in the right. Basto est un producteur belge qui a fait une petite carrière aux États-Unis, surtout en 2012, avec ce 212, interprété par la très Nicki Minaj, Azealia Banks.

money 13 times out of 11. Your bad ideas are the ATM. Shed my skin. Leave it for the homies who's sleeping. Prodigal, fuck that nautical. Teaching bitches how to swim. La nuit des temps, Radio Duo. Tried you on the phone, but you considered lying. C'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club. Une nuit de temps qui était réglée ce soir sur l'an 12. L'an 12 des années 2000. Et on a dansé. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup dansé ce soir sur notre dance floor avec Tonton Camille à la programmation. Et Tonton Camille qui a invité Grimes sans Elon. Ils ne sont plus ensemble. Sporto Cantes, toute une époque. Django Django et sa guerre. Tame Impala et sa Fury Road australienne. Solange et son Blue d'Orange, jamais loin. Les adieux de Bobby Womack, toujours en 2012. Soko. Un coucou des Algies. L'impeccable Azealia Banks. Dev Grips. Eh ben oui, Blue d'Orange, que l'on adore. Et Chassol tout de suite. Avant de retrouver The Do, vous avez bien entendu, on dirait un monde englouti. The Do, en bonus, ce soir, dans quelques secondes. Et encore merci à Tonton Camille pour cet assemblage sonique tout droit sorti d'Hibernatus. Et dans quelques minutes, tout à l'heure, il n'a rien d'Hibernatus. C'est Dan et ses machines, avec comme à la radio. Il arrive, il va s'installer, il va tout brancher, les câbles, l'électronique, pour mixer en direct et nous faire décoller vers la stratosphère. Et on en a besoin de la stratosphère en ce moment. Parce que voilà, voilà, ça recommence. Mais on va rester debout, debout pour danser. Et c'est le bon moment de regarder les étoiles dans le ciel de Saint-Étienne. Toutes les étoiles sont là pour nous. Restez bien sur Duo. Colum à la radio. Dans quelques minutes. Buena notte. Salute. La nuit des temps, Radio Duo. what is done.